Oh, là, c'est de Haran, ça, c'est une tradition qu'on retrouve aussi dans d'autres communes des environs. Donc, le lancer de Haran date officiellement 1962. Donc 62, c'est une année importante pour Dunkerque, puisque c'est l'année du tricentenaire du rachat de Dunkerque à l'Angleterre, au roi Charles II d'Angleterre par Louis XIV, hein, le roi Soleil, Louis XIV, qui est au début de son règne. Et donc, il a donc racheté Dunkerque à l'Angleterre. Hein, donc Dunkerque devient à ce moment-là définitivement française. Et en 1962, donc on a commémoré ce tricentenaire. Il y a eu l'émission d'un timbre-poste, bon, qui célébrait aussi la reconstruction et le développement portuaire. Et donc le maire de l'époque s'appelait Paul Asman. C'était un cafetier, il tenait hôtel-restaurant. Mes parents l'ont bien connu puisque mon père venait de Moselle quand il est arrivé à Dunkerque, jeune homme avec ses copains. Donc bien sûr, ils étaient pensionnaires chez Asman, qui tenait l'hôtel moderne, bon, qui n'existe plus aujourd'hui, qui se trouvait sur le boulevard Alexandre III. Et donc, le maire de l'époque voulait marquer le coup, comme on dit, voulait faire quelque chose. Et d'après, bon, certains témoignages, y compris de l'une de ses filles, c'est Copinard qui lui aurait soufflé, hein, Jean Mine qui lui aurait soufflé, de lancer des harengs. Bah, le hareng, c'était à Dunkerque, on pêchait la morue au large de l'Islande, on pêchait aussi le zareng, on pêchait le zareng dans les eaux de la mer du Nord. Hein. Donc le hareng, donc de fumer, ça devient un clipper ou un keeper ou un clipper. Il est mis sous cellophane, donc il est jeté. Alors ça se passait comme ça jusqu'à l'élection de Michel Delbarre. Donc avant Michel Delbarre, de 66 à 89, le maire c'était Claude Prouvoyeur. Et bon, Prou les harengs, Prouvoyeur les clippers, donc tout ça sonnait bien. Et quand Michel Delbarre est arrivé, donc à partir de 1900, ça s'est fait à partir de 1990, puisque quand il est en 89, le carnaval, lorsqu'il y a eu l'élection municipale, le carnaval était passé. Donc il y a eu Delbarre, Léo, des homards, Delbarre, des homards. Donc Michel Delbarre a décidé, et jusqu'à la fin de ses mandats, en fait, il a fait quatre mandats, je crois de 89-90, puisque l'élection de 89 avait été annulée. On a voté en 90, là, bon, les 116 voix d'écart de 89, l'écart s'était bien creusé, donc il a été réélu en 90, au bout du premier tour. Donc de 90 jusqu'à 2014, là aussi. Il jetait trois homards en plastique. Donc toujours, ceux qui récupéraient le homard pouvaient aller l'échanger contre un vrai. Et quand Patrice Vergriete, le maire, enfin il n'est plus maire puisqu'il est devenu ministre, il a dû laisser son fauteuil de maire à son premier adjoint, donc M. Baudard. Donc Patrice Vergriete, quand il était maire, bon, Vergriete des frites. Donc il s'est mis à lancer des frites. Donc il lançait 19 frites bien croustillantes. J'en ai peut-être. Ouais, on va arriver aux frites. Ouais, voilà. 19 frites bien croustillantes, hein, bien, voilà. Elles sont dorées à souhait. Donc 19 frites, bon, polystyrène, bon, bien sûr, si vous attrapez une frite, en général, elle n'arrive pas entière. Ben, ça vous donne droit à un moule frites pour deux dans un restaurant. Et la 20e frite, elle est aux couleurs de la ville, hein, blanc et bleu. Et celle-là, elle vous donne, vous avez aussi le droit d'un moule frites pour deux, et vous avez le droit de venir sur le balcon comme VIP l'année suivante. Voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est en 2020, bon, la ville, le carnaval de Dunkerque, le Covid commençait, le carnaval de Dunkerque a eu lieu, tout s'est arrêté. La dernière bande, ça a été Malo-les-Bains, et après Malo-les-Bains, tout s'est arrêté puisqu'on a eu le confinement. Et donc, malheureusement, ben 2021, il n'y a pas eu de carnaval vu le Covid, on était encore confinés. 2022, ça a été un carnaval non officiel. Bon, les gens étaient contents de sortir, mais c'était non officiel, donc pas de la mairie fermée, pas de musique, pas de tambour major, rien du tout. Là, les musiciens, ben, c'était des musiciens qui déambulaient, qui jouaient de leur propre chef. Et on a repris en 2023. Donc la personne qui avait eu la attrapé la frite, la frite en 2020, ben, n'a pu venir sur le balcon de l'hôtel de ville qu'en 2023. Donc, quand on est invité sur le balcon de l'hôtel de ville, ben, on croise des personnalités comme Charlotte de Turckheim, qui était venue tourner un film, elle joue le rôle d'une policière. Hein, donc, c'est Meurtre à Carnaval, et puis là, c'est Ségolène Royal, il y a pas mal de personnalités qui sont venues. Et alors, Ségolène Royal, quand elle est sortie sur le balcon de la mairie, les gens criaient « Ségolène, à poil, Ségolène, à poil !» Donc, pour vous dire les... Donc, la Patrice Vergritte qui lance une frite, lui, il est habillé en corsaire. Hein. Les maires sont propres. Tous les maires ne se déguisaient pas. Michel Delbarme mettait une perruque, il avait une veste, il met un peu de maquillage, il mettait une perruque. Patrice Vergritte s'habille en corsaire. Jean Baudard, il est le maire actuel, hein, Jean Baudard. Donc lui là, il a jeté des barres, mais des barres en tissu. Baudard des bars, vous voyez que... Voilà, donc là, c'est Michel Delmar qui jette un homard. Au total, il en jeté trois. Alors, bien sûr, là, c'est Claude Pourvoyeur, hein, qui était maire de 66 à 89. Alors, tout le balcon de la mairie, tout ça, c'est VIP, c'est organisé. Hein, peut-être que vous y aurez droit l'année prochaine. Ça dépend. Il faut être invité. Voilà, forcément, vous avez un carton d'invitation. Il faut vous présenter à une heure donnée. Puis vous êtes, il y a le protocole, il y a un ordre protocolaire, bien sûr, le maire, les adjoints devant. Vous avez le droit de jeter des harengs, hein, uniquement. Donc les fameux clippers. Bon, les fameux clippers que les carnavaleux sont souvent contents de, comment dirais-je, de consommer tout de suite. Je vous dis pas, un baiser à Zotch, hein. Donne à Zotch à ton oncle Co, et à Zotch ou à Zo. Hein. Alors après, ben, je vous laisse deviner la laine du camarade. C'est vrai que ça... C'est... Bon, c'est... Les autres, le carnaval, il faut se méfier. Ah, ben, il y a des... Moi, je me souviens, bon, parfois, il y a des retours à l'envoyeur. Moi, je me souviens que Claude Pourvoyeur, je crois que c'était en 80... C'était à la fin de son dernier mandat. Hein. Donc, il y a... Je crois que c'était en 80... 87 ou 88. Il y a quelqu'un qui avait attrapé un clipper et qui a fait... Bon, il savait bien lancer. Il a fait retour à l'envoyeur et puis le maire se l'est pris en plein poids. Si c'était un ennemi du maire en place ou je ne sais pas, mais enfin bon, quand je me souviens, j'ai dit, voilà, il avait bien tiré. Hein, donc c'est vrai que ça attire du monde, donc ça dure une grosse demi-heure. Après, les gens se répartissent, bah, essaient de boire un coup, d'aller aux toilettes et tout, parce que ça, il faut y penser aussi. Hein, les hommes, bah, c'est facile, mais les femmes, c'est un peu moins facile. Donc c'est les chapelles, donc c'est le moment des chapelles.